Loin de moi l'idée de juger cette période et mes prédécesseurs. Sans doute pas aussi conscients qu'ils auraient pu l'être des différentes menaces qui planent sur notre société, telles que la crise économique, débutée en 2008, le changement climatique, qui fait pourtant consensus depuis 20 ans, et l'approche du pic pétrolier, dont on connaît l'existence depuis 1956. Il devient de fait de notre responsabilité d'entamer une légère réorientation de cette cérémonie qui sera désormais placée sous le signe de ce qu'il sera convenu d'appeler l'austérité festive. Une austérité festive qui sera symbolisée ici par nos costumes sobres et par nos chandelles magiques. Car je veux croire, au risque de surprendre mes prédécesseurs, qu'il est possible, lors d'une remise de prix, d'allier la plus haute conscience morale à une certaine forme d'élégance. Ce sont ces choix profondément assumés qui nous ont amené, mon camarade Gwenaël de Bonneval et moi, à tamiser, vous l'aurez noté, les lumières de cette salle, nous permettant à la fois d'être moins dépendants de l'énergie nucléaire, tout en créant une atmosphère chaleureuse et intime qui ne sera pas sans vous rappeler les soirées passées au coin du feu avec votre grand-mère. Quant à la somme ainsi économisée sur la facture d'électricité, elle sera remise aux orphelins des pompiers de France. Merci. Dans le même état d'esprit, la remise de prix, quoique agrémentée de plaisantes chorégraphies menées par mon camarade Gwenaël de Bonneval et moi-même, sera réduite à sa plus simple expression, ce afin de gagner du temps et de permettre ainsi à celles et ceux d'entre vous qui le souhaiteraient de quitter le festival dans 10 minutes pour commencer à rentrer chez eux à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture ou en train. Les crevettes et bulots ainsi économisés sur le repas de ce soir seront envoyés par Chronopost au syndicat des auteurs de bandes dessinées qui se chargera d'une redistribution équitable. Le SNAC, 80 rue Tête-Bout, 75 009 Paris, envoyez-vous. Merci Gwenaël de Bonneval. Les heureux lauréats des prix de ce soir seront donc, pour une fois, invités à laisser libre cours à leur caractère naturellement taiseux et à ne presque rien dire du tout. Merci. Nous allons débuter par un prix trop souvent oublié par nos prédécesseurs et que Gwenaël de Bonneval et moi avons tenu à intégrer dans la cérémonie, celui du concours Jeune Talent. Ce prix a été remis pas plus tard que tout à l'heure à un auteur que je vous demande d'applaudir sans amertume, malgré son talent sans doute plus grand que le vôtre. J'ai nommé Arnaud Muraille. Bonsoir. Merci pour l'écologie et le nucléaire. Merci Arnaud, je vous demande de vous féliciter. Ah, j'oubliais, excusez-moi. C'est un reliquat du passé, mais nous sommes obligés de remettre les prix que Zanzim a un acte manqué, je suis vraiment désolé. Que Zanzim a préparé pour cette cérémonie sans savoir qu'éventuellement il y aurait un léger choc culturel. Le prix Jeune Talent est ici, donc vous le voyez représenté par cette gomme géante que nous pouvons remettre à Arnaud Muraille s'il veut bien se rapprocher à nouveau. Il convient à présent de rappeler que le prix Ouest France, Quai des Bulles, décerné par un sympathique jury populaire de lecteurs, un ouvrage paru dans l'année, a récompensé cet après-midi un auteur admirable, que nous allons célébrer par nos chandelles magiques, Benjamin Flao, mais qui sera absent ce soir car il vient d'avoir un enfant. Il sera donc représenté sur scène par Élise Rouillet, les éditions Futuropolis. Tu me le paieras. Je vous remercie tous. Merci, Élise. Je connais des orphelins des pompiers de France qui ont bien de la chance, nous gagnons un temps fou. Mais qu'en est-il, me direz-vous, hein, du prix coup de cœur? Alors pour remettre ce prix, je vais inviter le précédent lauréat, Florence Tilleuret, à nous rejoindre sur scène. Le prix coup de cœur, ce coup de projecteur qui met en lumière un ou plusieurs auteurs dont l'œuvre aura agréablement surpris et réjoui le jury de Quai des Bulles au point de leur donner envie de lui faire faire leur carte postale 2012, laquelle servira ensuite astucieusement de carte de vœux 2013, avant de finir, n'en doutons pas, en sous-boc de bière 2014. Dans un esprit éco-responsable que nous saluons. Le prix coup de cœur cette année est remis au talentueux Terreur Graphique. Merci. C'est merveilleux. Enfin, vous l'attendiez, il est là. Le grand prix de l'affiche. J'invite donc Bruno, le précédent gagnant, à nous rejoindre sur scène. Ce prix, dois-je le rappeler, récompense un auteur que Quai des Bulles apprécie particulièrement. Salué et reconnu pour son talent d'illustratrice ou d'illustrateur, il ou elle aura l'immense honneur de réaliser l'affiche de la prochaine édition. Un tour de passe-passe très habile, transformant une corvée en récompense. J'ai envie de dire bravo, Quai des Bulles. Nous aurons bientôt besoin de votre réalisme pragmatique lors des années difficiles qui suivront l'armageddon économique. Ce prix, cette année, sera remis au talentueux, quoique légèrement radioactif, Emmanuel Lepage. Quand même dire quelques mots. J'ai bossé sur le nucléaire, donc j'ai quelques droits. Merci du fond du cœur. Je suis vraiment très touché. Surtout, enfin, le festival de Saint-Malo, pour moi, enfin, j'en parlais avec mes amis, c'est le premier festival que j'ai dédicacé. C'est le premier festival où je suis allé. Et pour moi, enfin, Saint-Malo, c'est le plus touchant. C'est là que j'ai rencontré, je crois, les amis qui sont aujourd'hui toujours les miens, enfin, les plus forts amis que j'ai dans le monde dessiné, je les ai rencontrés là. Donc recevoir ce prix, c'est extraordinaire. Merci. Voilà, mes chers amis. Comme le disait ma grand-mère, le conte est terminé, il est remonté dans la cheminée. Il est donc temps, pour les plus nobles d'entre vous, ces justes parmi les justes, comme ils furent appelés lors des périodes les plus sombres de l'histoire, d'enfourcher leur vélo et d'enfiler leurs chaussures pour rentrer dans leur ville d'origine dès maintenant. J'invite tous les autres à nous retrouver devant des plateaux de homard et boire une petite coupe pour célébrer la future réussite économique de la revue en ligne Professeur Cyclone.